Le porte-parole du comité de coordination d'État de la République populaire démocratique de Corée contre le blanchiment de fonds et la sponsorisation du terrorisme a répondu le 28 juin aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos de la démarche de l'Organisation internationale de contrôle financier qui a mis en cause notre pays. En voici le résumé. Lors de la session plénière tenue du 21 au 23 juin à Valence, Espagne, le groupe d'action financière contre le blanchiment de fonds Organisation internationale de contrôle financier a publié de nouveau une soi-disant déclaration ouverte mettant en cause notre pays. Nous rejetons catégoriquement cette déclaration faisant partie des actes absurdes des forces hostiles, notamment les États-Unis, contre notre République, tout en abusant de l'organisation. La déclaration représente l'intention bien lâche et sournoise des États-Unis qui cherchent à nous priver des armements nucléaires tout en étiquetant coûte que coûte notre pays comme blanchisseur de fonds en vue de justifier les sanctions financières illégales contre la Corée. Le montre bien la conduite de l'organisation qui, poussée par les États-Unis, a adopté de nouveau une telle déclaration, reproduction des propos des États-Unis et d'autres forces hostiles, en tournant le dos à la réalité de notre pays qui a institué la loi contre le blanchiment de fonds et la sponsorisation du terrorisme conforme à la norme internationale, selon laquelle est mis sur pied le système de contrôle et d'information financier en fonction normale. Rappelons que les résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée sont le produit des actes criminels des États-Unis et de leurs suivistes qui portent atteinte à la souveraineté et au droit à l'existence d'un État souverain à l'encontre de la charte onusienne et des droits internationaux. Si le côté de l'Organisation internationale de contrôle financier s'intéresse vraiment à la prévention du blanchiment de fonds et de la sponsorisation du terrorisme en Corée, elle doit porter son attention requise à mettre en cause le complot terroriste d'État ultra-géant commis par les services de renseignement américains et sud-coréens, comme nous l'avons déjà proposé. Et si l'organisation continue sous la baguette des États-Unis à s'évertuer à la pression contre notre pays, nous serons obligés de revoir sérieusement si nous devons continuer à maintenir les relations de coopération avec elle.